Spell fake stay on my difficile dans ces moments intenses. Les amis qui te quittent et ceux qui te relancent, qui te mangent dans la main quand tu touches les avances, ceux qui te dévisagent tes combattants. D'existence, c'est assez difficile, trop de moments intenses. Les amis qui te quittent et ceux qui te relancent, qui te mangent dans la main quand tu touches les avances, ceux qui te dévisagent tes comptes et pas ton badge. Ceux qui t'encouragent si tu peux te planter. Si cela te fait chier, même s'ils sont obligés, ils viennent de ce mauvais France Actualité. Alors marche ou crève, la vie que je vis n'est pas un rêve. Alors marche ou crève, un combat pas de trêve. Ce qu'il a viendra demain, je ne sais pas. Je laisse les gras du beat se charger de tout ça. J'ai pas courbé les chines ni retourné ma veste. On dérange pas mal, je vous laisse les restes. J'ai débuté tout seul, il n'y avait rien derrière. J'ai cru ouvrir ma gueule, devant c'était l'enfer. On en dit des choses, j'adore les gens qui causent et qui pensent posséder la musicalité. Marche ou crève, ma vie n'est pas un rêve. Marche ou crève, un combat pas de trêve. Marche ou crève, la vie n'est pas un rêve. Marche ou crève, un combat pas de trêve. Ça cherche, ça analyse, sont cons comme des valises. Ce ne sera pas facile de nous clouer le bec. Et que tu veuilles ou non, il faudra faire avec. Il faudra faire avec. Faire avec.